بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف en ce jour le 8 du mois de Jumad al-Akhira de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici dans Masjid al-Rahma, de la ville d'Evry, du quartier Chantilly Coq, comme vous le savez, pour la quatrième assise de cette série qui est intitulée « Les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe » afin d'étudier cette troisième caractéristique qui est leur position en ce qui concerne « el-imama », c'est-à-dire le gouvernorat, et « el-bay'a », c'est-à-dire le serment d'allégeance qui est dû à nos gouverneurs. Ce cours, hafizakumullah, est un cours qui est long. Je vais essayer de le résumer autant que possible. Donc je vous demande d'être très attentif. Il est long car il y a beaucoup de points et beaucoup de détails à donner que je ne pourrai pas tout donner durant ce cours. Donc je vais résumer autant que possible. Donc soyez très attentifs. Pour commencer, il faut savoir que la da'wa des gens de la sunna et du groupe Ahl sunna wal jama'a ne se résume pas à l'intérêt qu'ils portent en ce qui concerne leur appel au tawhid. Comme nous l'avons vu précédemment, et le fait de mettre en garde contre eux, ash-shirkiyat, l'association ou toute forme d'association. Car il y a des gens qui n'ont pas de problème en ce qui concerne le tawhid, que ce soit tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma' wa-sifat, c'est-à-dire qu'ils n'associent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne dénature pas les noms et attributs d'Allah, Azza wa Jal. Mais ces gens-là ne portent pas l'intérêt que portent les gens de la sunna et du groupe en ce qui concerne el-imama, c'est-à-dire le gouvernorat, et el-bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance qui est dû à ce gouverneur. Et ces gens, ces musulmans, ont été en accord avec Al-Khawarij, cette secte qui est appelée Al-Khawarij. Et comme le disent nos savants, les Khawarij ne faisaient pas At-Tawaf autour des tombes. Ils n'égorgeaient pas pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils n'avaient pas de problème en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ne dénaturaient pas les noms et attribut d'Allah, Azza wa Jal. Mais ce qui a fait que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, al-Khalifa, les combatte, c'est le fait qu'ils sont sortis de l'obéissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obéi au gouverneur, ils ne lui ont pas obéi à cette époque-là, malgré que ces derniers n'associaient pas à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parmi les preuves, ou plutôt la preuve de base en ce qui concerne l'obéissance qui est due au gouverneur, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Dans le sens approximatif de ces paroles, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement d'entre vous. Dans ce verset, nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala appelle les croyants, les gens de foi, à obéir à Allah azza wa jal, à obéir au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à obéir à ceux qui détiennent le commandement parmi nous. Et comme l'expliquent les gens de science, ceux qui font l'exégèse du Coran, ils disent que Allah azza wa jal dans ce verset a dit: « Ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul, c'est-à-dire obéissez à Allah. Le verbe ata'a yuti'u, c'est-à-dire obéissez, il a répété subhanahu wa ta'ala ce verbe deux fois, mais en ce qui concerne ceux qui détiennent le commandement, c'est-à-dire ulil amr, il n'a pas dit wa ati'u ulil amr, il a dit ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amr minkum. Les exégèses du Coran, ou les savants qui font l'exégèse du Coran, ont expliqué cela en disant que l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala est sans condition. L'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sans condition. Car Allah azza wa jalla lui révèle ce qu'il prononce comme parole. Mais l'obéissance qui est due aux gens du commandement n'est pas sans condition. Elle est plutôt conditionnée par le fait que nous leur obéissons lorsqu'il nous ordonne ou lorsqu'il ne nous ordonne pas une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous les obéissons jusqu'à ce qu'il nous ordonne de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que leur obéissance est conditionnée par l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, parmi les preuves de l'obéissance qui est due au gouverneur, tous les ahadiths que nous allons citer durant ce cours et ce que nos pieux prédécesseurs ont œuvré dans ce sens. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit dans son livre Siyasa Shar'iyya, dans la page numéro 218, il dit dans le sens de ses paroles, dans le sens approximatif de ses paroles, il est obligatoire de savoir que le fait de donner le commandement à l'un d'entre nous, à l'un des musulmans, fait partie des plus grandes obligations dans notre religion. Plutôt, la vie religieuse ne peut être effective que par cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas pratiquer ta religion correctement que par cela, par le fait qu'il y ait un commandant, un gouverneur qui gouverne les musulmans. Puis, nous voyons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed et autres que lui, que Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi juge authentique. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, le gouverneur, celui qui détient l'autorité, est l'ombre d'Allah sur terre. Dhillullahi fil ard. C'est l'ombre d'Allah sur terre. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, chaque faible et demandeur de secours reviennent vers lui parmi les musulmans. C'est-à-dire que ce gouverneur est celui vers qui on se tourne lorsqu'on a une faiblesse, lorsqu'on a besoin, etc. C'est donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ombre d'Allah azza wa jal sur terre. Et nous comprenons, à la lumière de ce hadith, la parole de certains parmi nos salafs, nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim, cette parole, où ils disent 60 années, certains d'entre eux ont dit 70 années, avec un imam injuste, c'est-à-dire sous les ordres d'un imam injuste, est meilleur qu'une seule nuit sans imam. Est meilleur qu'une seule nuit sans imam. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah a dit, Rahimahullah, un imam, quand on dit imam, ici comme on l'a déjà expliqué, c'est-à-dire le gouverneur, celui qui détient l'autorité, le gouverneur des musulmans. Il dit, un imam très injuste, il a utilisé le terme zaloum, rachoum, c'est-à-dire très injuste. Très injuste. Un imam très injuste est meilleur qu'une fitna, qu'un trouble ou que des troubles qui durent. C'est-à-dire que tu vives ta vie sous les ordres d'un imam très injuste, c'est meilleur pour toi que de vivre ta vie avec des troubles répandus, comme nous allons le voir parmi ces exemples que nous voyons au jour d'aujourd'hui et que nous avons vu ces dernières années dans nos terres, les terres d'islam. Il faut savoir que parmi les choses, la voie et les affaires sur lesquelles étaient les gens de l'époque pré-islamique, ces affaires et ces choses qu'on rappelait, qui ont été rappelées par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Masail al-Jahiliya, c'est-à-dire les affaires de l'époque pré-islamique, il a rappelé le fait que de n'être pas en concordance avec le gouverneur, c'est-à-dire d'aller à son encontre, de ne pas être d'accord avec lui, de se révolter contre lui, fait partie des actes méritoires. Faisait partie, pour eux, c'est-à-dire avant l'islam, des actes méritoires. Et le fait d'écouter le gouverneur et de lui obéir faisait partie des actes avilissants et rabaissants. Il a rappelé aussi, rahimahullah, dans son livre, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé, bien sûr, pour réformer et corriger les croyances, et il a été envoyé avec l'ordre d'obéir au gouverneur et de patienter, même si ce dernier est injuste. Parmi les sectes qui ont contredit les gens de la sunna et du groupe Ahl sunna wal jama'a, il y a Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Murdi'a, Al-Shi'a et tout autre groupe qui s'apparente à l'islam, car comme le dit certains de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs, Ridwanallahi alayhim, parmi eux Abu Qilaba, qui fait partie des imams de nos pieux prédécesseurs, il dit Ahlul bid'a'i ikhtalafu fil ismi wa jatama'u 'ala as-sayf. C'est-à-dire que les gens de l'innovation, même si leurs noms sont différents, Murdi'a, Khawarij, Shi'a, Mu'tazila, Asha'ira, etc., même si leurs noms sont différents, eh bien, ils se sont accordés sur le fait de combattre le gouverneur, c'est-à-dire qu'ils se sont, dans sa parole, textuellement, ils se sont accordés autour de l'épée, ou ils se sont réunis autour de l'épée, c'est-à-dire l'épée ici, le fait de sortir et de se révolter contre le gouverneur. C'est une réalité. Et parmi ces réalités que les gens de science mettent en avant, le fait que ce groupe, le groupe de Al-Murji'a, c'est-à-dire ce qu'ils voient que l'Iman, la foi, bien sûr, ils sont de plusieurs sortes, ils sont de plusieurs degrés, Al-Murji'a, mais ils se réunissent sur le fait que les actes ne rentrent pas dans la foi, c'est-à-dire que la croyance d'Al-Murji'a, pour résumer, c'est le fait que les actes ne font pas partie de la foi, c'est-à-dire que la foi se résume à la croyance qui se trouve dans le cœur. Parfois, certains rajoutent la parole, mais ils ne rentrent pas les actes dans la réalité de la foi. Et bien, parmi ces choses que l'ulama met en avant, nos savants mettent en avant le fait que Al-Murji'a se révolte contre le gouverneur. Al-Murji'a se révolte contre le gouverneur. Il voit que cette chose est un mérite, est une chose qui est obligatoire parfois ou bien aimée parfois, très recommandée parfois. Et parmi les choses que nos savants mettent en évidence, le fait que Al-Murji'a, si leur croyance est bien le fait de faire sortir les actes de la réalité de la foi, pourquoi donc ils se révoltent vers le gouverneur? Ils disent que le gouverneur est une personne qui est injuste, est une personne qui n'est pas pieuse. Mais si ces personnes-là, leur croyance et le fait que les actes ne rentrent pas dans la foi, à quel moment ils jugeront que cette personne-là n'est pas pieuse, que cette personne-là a une foi qui est fragile, qui est faible, puisqu'ils ne voient pas le fait que les actes rentrent dans la réalité de la foi? Donc ça fait partie des contradictions de certaines parmi les sectes de l'islam, parmi eux le Murji'a. Comme nous l'avons rappelé au début du cours, lorsque nous avons expliqué ou lorsque nous avons apporté les paroles des gens de science, des savants de l'exégèse du Coran autour de ce verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Le fait que chez les gens de la Sunna, l'obéissance qui est due au gouverneur est une obéissance qui est conditionnée par le fait que ce dernier ne t'ordonne pas de désobéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si le gouverneur te dit « ne prie pas », t'interdit de prier, l'obéissance ne lui sera pas due à ce moment-là. Plutôt, l'obéissance qui lui est due est dans le bien, lorsqu'il t'ordonne de faire un bien, ou lorsqu'il t'ordonne de faire une chose qui ne va pas à l'encontre des ordres d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce dernier t'ordonne de désobéir à Allah et à son messager, quelle doit être ta position par rapport à lui? La position des gens de la Sunna est le fait que même si ce dernier peut en arriver à t'ordonner de désobéir à Allah et à son messager, le fait que tu ne te révoltes pas contre lui. Et ça fait partie des grandes bases des gens de la Sunna. Le fait que tu n'as pas le droit de te révolter contre lui, ni d'annuler le serment d'allégeance, ce que nous allons voir dans la deuxième partie du cours, que tu lui as fait. C'est-à-dire que tu ne sors pas de son obéissance. Simplement, tu lui es désobéi à ce moment-là, car elle t'a ordonné de désobéir à celui qui t'a ordonné de lui obéir. C'est-à-dire que ce commandant, ce gouverneur, t'a ordonné de désobéir à Allah, et c'est bien Allah qui t'a ordonné de lui obéir à ce gouverneur. Donc, tu lui es désobéi à ce moment-là, tu ne feras pas cette désobéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, tout en respectant ce gouverneur et en ne se révoltant pas contre lui. Cela, même si ce gouverneur est injuste et il t'ordonne à plusieurs reprises de désobéir à Allah et à son messager, tu devras toujours le respecter, ne pas te révolter contre lui, le conseiller. Et nous allons voir dans le cours d'aujourd'hui de quelle manière tu peux conseiller le gouverneur. Tu devras faire des invocations pour lui et non contre lui, comme nous allons le voir dans le cours d'aujourd'hui. Et tout cela fait partie des caractéristiques des gens de la Sunna, par lesquelles ces derniers se démarquent des gens de l'innovation. Nous comprenons dans cela que les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a ne conditionnent pas l'obéissance qui est due au gouverneur par le fait qu'il soit infaillible. Et comme cela étaient nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que ne faisaient pas parmi les conditions et ne fais pas parmi les conditions de l'obéissance qui est due au gouverneur, et le fait que tu n'as pas le droit de te révolter contre lui, le fait que ce dernier soit infaillible, c'est-à-dire qu'il soit le plus pieux des hommes. Si cela est possible, eh bien, c'est ce qui est meilleur. Car si le gouverneur fait partie des meilleurs des hommes, eh bien, son peuple seront meilleur et meilleur. Et comme cela était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, et il avait sous ses ordres, en dessous de lui, le meilleur des peuples, les meilleurs des hommes, comme il l'a dit lui-même, les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui m'ont suivi, puis ceux qui m'ont suivi, ou puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Et comme cela était nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que radouanallahi alayhim, nos pieux prédécesseurs ne conditionnaient pas cette obéissance qui est due au gouverneur par le fait qu'il soit infaillible, qu'il ne fasse pas de péché. Et comme cela, nous trouvons la plupart des grands imams de cette communauté dans ce qui est rapporté d'eux, dans des recueils qu'ils ont écrits, dans des narrations qui ont été rapportées d'eux, cette parole-là. Comme par exemple la parole de l'imam Ahmad dans son livre Usul al-Sunna que vous connaissez tous, Les fondements de la Sunna. Ce livre où il dit, ou ce petit livre, ce petit épître, ce petit recueil des fondements des gens de la Sunna où il dit Rahimahullah, et nous voyons l'obéissance et l'écoute qui est due au gouverneur, celui qui gouverne les musulmans. Nous voyons que ceci est une obligation dans le bien, tant que ce dernier n'ordonne pas de désobéir à Allah et à son messager, que ce dernier soit quelqu'un de bienveillant, de bon, de pieux, ou qu'il soit parmi les gens de la perversion, dans le sens approximatif de ses paroles. Et comme cela, la plupart des grands imams, si vous regardez dans un livre comme dans les livres, les recueils qui réunissent les croyances des grands imams, comme par exemple le livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri, aussi le livre Usul et Atiqad Ahl-Sunnah de l'imam Al-Lakai, où ce dernier par exemple rapporte ce livre-là, ou ce petit épître de l'imam Ahmad, il rapporte aussi la croyance de l'imam Al-Bukhari, de l'imam Abu Thawr, de l'imam Al-Awza'i, de l'imam Abu Hatim ou Abu Zur'a, Al-Raziyayn, de l'imam Ali ibn al-Madini, Rahmatullahi alayhim, eh bien, tu trouveras que chacun d'entre eux a parlé de cela et leur et la manière qu'ils ont eu d'exprimer cela, c'est-à-dire cette base parmi les bases des gens de la Sunna, est très proche. C'est-à-dire que l'ensemble d'entre eux mettent en avant que tu te dois d'obéir au gouverneur du moment qu'il ne t'ordonne pas de désobéir à Allah et à son messager, du moment que ce gouverneur est un gouverneur musulman, même si ce dernier fait partie des pervers. Qu'est-ce que la perversion ici ? Il n'y a pas de doute que la perversion qui est voulue ici, c'est un terme qui va à l'encontre de la bienveillance, qui va à l'encontre aussi de c'est un terme qui va à l'encontre de la bienveillance, ainsi de la droiture. Et nous voyons que l'ensemble de nos pieux prédécesseurs étaient d'accord sur ce point-là, le fait que tu dois obéir au gouverneur, même si ce dernier est injuste, et qu'il est interdit de se révolter contre lui, même s'il tombe dans les plus grandes des injustices, même si il en vient à prendre tes biens et à te frapper, comme il est venu dans le hadith qui est rapporté par Hudhayfa, radiyallahu anhu, ce hadith qui est dans Sahih Muslim. Ce hadith qui est authentique, il se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, comme vous le connaissez, il dit Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonne Hudhayfa, parmi les plus grands des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, d'écouter, d'obéir, et même si ce gouverneur prend ton argent et te frappe, frappe ton dos textuellement dans le hadith. Donc c'est bien là la croyance des gens de la sunna. Ce hadith se trouve dans le sahih de l'imam muslim. Et nous trouvons que les gens de l'innovation, à leur habitude, trouvent le moyen de parler et de remettre en question la véracité de ce hadith, sachant que l'ensemble de ces innovateurs, ces gens de l'égarement qui remettent en cause ce hadith, sont d'accord sur le fait que le recueil de l'imam muslim est un recueil authentique de hadith et que l'ensemble des hadiths ou la grande majorité des hadiths qui se trouvent dans ce dernier sont authentiques, mais ils trouvent toujours le moyen à leur habitude de parler à propos de ce hadith. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ce dernier, ou al-Hafidh al-Nawawi pour être plus exact, al-Hafidh al-Nawawi rahmatullah alayh, qui lui bien sûr est reconnu unanimement chez ces gens de l'innovation et de l'égarement qui ne reconnaissent pas la véracité et l'authenticité de ce hadith. Al-Hafidh al-Nawawi dit dans son explication du Sahih de l'imam muslim que ce dernier, dans le sens approximatif de ses paroles, ce dernier, donc ce hadith, a plusieurs narrations, c'est-à-dire qu'il est rapporté de plusieurs manières, de plusieurs voix, de plusieurs manières, de plusieurs rapporteur qui rapporte ce même hadith, et que l'ensemble de ces narrations font que ce hadith est authentique. Et bien sûr, l'ensemble de ces gens de l'innovation qui trouvent quelque chose à dire sur ce hadith reconnaissent la place de Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah. Et tu trouveras toujours des gens, des du'at qui se prétendent faire partie des gens de la sunna, qui suivront les pas de ces gens de l'innovation. Là, on parle de du'at, de gens qui prêchent, qui se prétendent être des gens de la sunna, c'est-à-dire qu'ils te mettent en avant qu'ils font partie des gens de la sunna. Ils parlent le langage des gens de la sunna. Ils te mettent en avant les savants de la sunna, ou certains savants de la sunna. Mais tu trouveras que certains d'entre eux suivront la voie de la secte de l'Mu'tazila dans le fait qu'ils n'estiment pas le commandement de certains gouverneurs parmi les gouverneurs musulmans de ce temps, nous parlons au jour d'aujourd'hui, même s'ils ne les rendent pas mécréants. C'est-à-dire que Al-Khawarij, ce que vous savez, c'est que ces derniers rendent mécréants, c'est ce qui est connu, le fait qu'ils rendent mécréants les gouverneurs des musulmans pour telle et telle raison, car ils sont pervers, car ceci ou cela, comme des points que nous allons voir durant ce cours. Mais tu verras certains du'at, certaines personnes qui s'apparentent aux gens de la sunna, qui ne les rendent pas mécréants. Ils disent, ce sont des musulmans, mais ils ne reconnaissent pas leur viabilité en tant que commandant, en tant que gouverneur des musulmans. Ces personnes, comme on va le rappeler un peu plus tard, comme Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwayni, font partie Mohamed Hosseini Aqoub en Égypte, d'autres aussi comme Salman al-Aouda en Arabie Saoudite, comme Safar al-Hawali et autres que eux. Je cite ces noms afin que vous preniez garde de ne pas écouter, de ne pas lire ce qu'ont écrit ou ce qu'ont enregistré dans des cassettes ces personnes-là. Ici, on rapporte un dialogue, même si je ne vous pose pas bien sûr à dialoguer avec ces gens-là, mais ce dialogue est un dialogue qui te sera utile lorsque tu voudras connaître la situation, l'état d'une personne. C'est une manière que tu auras de savoir si cette personne fait partie des gens de la sunna ou des gens de l'innovation. Cette personne-là, demande-lui si il reconnaît la viabilité de l'imamat et du gouvernorat des gouverneurs de nos pays, les pays musulmans, ceux qui mettent en avant l'islam, ceux qui permettent dans leur pays de pratiquer la plupart ou certaines de nos obligations religieuses, ce qui permet de pratiquer nos obligations religieuses et certaines des choses qui sont propres à l'islam. Certaines des choses qui sont propres à l'islam, comme l'adhan, l'adhabh, yom l'id, etc. Sauf que, ils permettent, ces gouverneurs-là, ils permettent certaines choses dans leur pays, on parle des terres d'islam ici, ils permettent certaines choses qui sont des choses qui sont de la perversion claire ou de l'injustice. Et certains d'entre eux jugent dans certains de leurs jugements, jugent selon les autres que les lois d'Allah. Ou plutôt, ils jugent par des lois qui vont à l'encontre du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu vois que il t'est obligatoire de leur obéir à ces gens-là, à ces gouverneurs-là de nos pays musulmans? Et est-ce que tu vois qu'il est interdit pour toi de sortir contre eux, de te révolter contre eux? Si cette personne te répond par oui, je vois que leur gouvernorat, leur commandement est viable, est valide, et qu'il m'est interdit de me révolter contre eux, eh bien, il te dit oui, et c'est comme cela qu'étaient nos pieux prédécesseurs, eh bien, sache que cette personne-là est un sunni salafi, c'est-à-dire qu'il suit la voie des pieux prédécesseurs, qu'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si cette personne-là commence à tourner sa langue dans sa bouche, à parler d'une manière qui n'est pas compréhensive, qui commence à tourner en rond, et à te dire que, à propos de cela, les savants ont divergé, et que certains parmi les gouverneurs de notre temps, qui jugent par autre que ce que Allah a révélé, sont comme ceci et comme cela, et que certains parmi nos savants ont divergé à leur sujet, eh bien sache que cette personne-là fera partie des gens de l'innovation. Cette personne-là ne fera pas partie des gens de la sunna. Et c'est une manière pour toi, ceci est une manière pour toi de reconnaître cette personne. Est-ce qu'il fait partie des gens de la sunna? Est-ce qu'il remplit cette caractéristique que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui ou non? Et ces paroles-là, qu'on vient de citer dans cette discussion, dans ce petit dialogue, sont des paroles que vous avez peut-être entendues, même certainement entendues, sont des choses qui ne sont pas loin de vous. Il y a des gens qui disent ces paroles-là ici, dans votre département, peut-être dans votre ville ici. Des gens qui sont connus, des gens qui sont moins connus, c'est une ambiguïté qui est très répandue. Donc, le fait que nous l'étudions ici n'est pas quelque chose qui est simplement dans la mosquée, au moment où on sort de la mosquée. C'est quelque chose qu'on a vu dans la mosquée pendant le cours, mais ce n'est pas quelque chose qui a un effet, un impact direct dans nos vies. Au contraire, cette chose-là, c'est une chose qui est très répandue. Cette croyance-là, cette ambiguïté-là est quelque chose qui est très répandu chez les musulmans d'aujourd'hui et même chez ceux qui se prétendent des gens de la sunna, même chez ceux qui ont l'apparence des gens de la sunna. Faites bien attention à cela. Barakallahu fikum. Comme cela, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans plusieurs de ses livres, a mis en évidence la voie de nos pieux prédécesseurs, la voie des gens de la sunna, en ce qui concerne la manière de se comporter par rapport aux gouverneurs des musulmans. Parmi les paroles qu'il a tenues, rahimahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, le fait que l'ensemble des imams de la sunna se sont accordés sur le fait qu'il est interdit de sortir, de se révolter contre le gouverneur, de sortir l'épée contre lui, et ceci même s'il est injuste. Et comme cela, il y a beaucoup, beaucoup de hadiths, beaucoup de narrations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a rapporté quelques-unes qu'on va essayer de traduire maintenant. Et avant cela, il a dit que la cause de ces hadiths, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela, le fait de se révolter contre le gouverneur, même si ce dernier est injuste, même si ce dernier est pervers, car il y a dans le fait de se révolter contre lui et de se soulever contre lui un plus grand mal que le fait de patienter face à sa perversion et face à les mots que ce dernier ou les mots que le fait de patienter contre lui entraîne au sein de la communauté musulmane. Comme cela, pour illustrer cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ici, on va parler de quelque chose qui vous est d'actualité, tout ce qui s'est passé dans les pays musulmans ces dernières années. Peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, ils ont grandi dans cela. Pour les plus jeunes d'entre vous ici, ils ont grandi dans cela. Ce qui a été appelé à tort Ar-Rabi Al-Arabi, c'est-à-dire le printemps arabe. Puisque la plupart de ces choses-là se sont trouvées dans les pays arabes. Donc ils ont été appelés à tort ces révolutions, ces soulèvements contre le gouverneur, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et non le printemps arabe, et non des manifestations ou même des manifestations pacifiques. Car même si ces manifestations sont entre guillemets pacifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, etc., cela reste dans notre religion un khuruj contre al-hakim. Ça reste le fait de se révolter, de sortir contre le gouverneur. Cette chose qui fait partie des caractéristiques principales de al-khawarij et non des gens de la sunna. Comme vous le voyez dans tous ces pays, et regardez le mal que cela a engendré, en commençant par la Tunisie, qui était le premier pays à se révolter, puis l'Égypte, puis d'autres pays où il y a eu des mal encore plus grands, comme par exemple la Libye, comme par exemple la Syrie, comme par exemple l'Irak, etc. Donc, c'est quelque chose d'actualité. Certains d'entre vous ont grandi dans cela. Certains d'entre vous ont grandi dans cela pour les plus jeunes, c'est-à-dire que pour eux, ils n'ont vu que cela. Aux informations, par exemple, le fait que dans ces pays, les pays musulmans, on se révolte contre le gouverneur, on fait des manifestations, on se met en grève pour se révolter pour certaines, comment dire, pour mettre en avant certaines choses que nous demandons au gouverneur d'arranger dans le pays, eh bien, cette révolte, ces manifestations, comme ils l'appellent, ça reste un khuruj, c'est-à-dire une sortie, une révolte contre le gouverneur, qui fait partie des caractéristiques principales des gens de l'innovation, de Al-Khawarij, et non des gens de la Sunna. Et comme cela, pour illustrer donc cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le fait que le mal qui est engendré par le fait de se révolter contre le gouverneur, même si ce dernier est pervers, même si ce dernier est injuste, eh bien, le mal qui sera engendré par cela est bien plus grand que le mal qui sera engendré pour ta propre personne dans ta religion ou dans ta vie de tous les jours, dans le fait de patienter face à l'injustice de ce gouverneur. Comme cela, vous l'avez vu dans tous ces pays, pour ceux qui sont de ces pays, pour ceux qui ont vécu dans ces pays, moi j'en fais partie, le fait qu'on a vu qu'il y avait un grand mal, que l'État dans ces pays s'est dégradé plus encore que l'État de ces pays avant ces révoltes. Et l'État de ces pays, sauf dans très peu de pays, ne cesse de se dégrader, comme vous pouvez le constater. Tout cela, comme le disent nos savants, fait partie des traces négatives de ces révoltes qu'ils ont appelées à tort Ar-Rabi' Al-Arabi, c'est-à-dire le printemps arabe. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rapporte dans beaucoup de ses livres, vous retrouverez ces paroles-là dans Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyya, comme cela dans Majmou' al-Fatawa et autres que cela. Il rapporte ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que, dans le sens approximatif de ces paroles, il y aura après moi des gouverneurs qui seront injustes. Et le sahaba de lui demander, radhiyallahu alayhim, que devrons-nous faire, ya Rasulallah, à ce moment-là, lorsque ces gouverneurs injustes apparaîtront? Devrons-nous les combattre par l'épée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non du moment qu'il prie. Non du moment qu'il prie. Et dans certaines versions, non du moment qu'il célèbre la prière ou qu'il vous laisse célébrer la prière. Et ici, nous, comme nous le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous révolter, de les combattre. Il n'a pas ici parlé dans ces hadiths de la possibilité de les combattre. Il l'a plutôt interdit de les combattre et de se révolter contre eux du moment que ces derniers priaient, du moment que ces derniers vous laissaient prier. Et cela, comme nous le dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, fait partie des signes de leur croyance, le fait qu'ils sont croyants. Et comme cela dans certaines narrations de ces ahadiths, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de se révolter contre eux par l'épée, du moment que nous ne voyons pas sur eux une mécréance claire, une mécréance claire ayant des preuves à propos de cette dernière, de cette mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi orienté dans certains ahadiths lorsque il nous informe aussi que nous verrons après lui des gouverneurs, des commandants, des gouverneurs des musulmans qui seront injustes et que sahaba lui ont demandé quel est ton ordre à ce moment-là, ya Rasulallah. Et ce dernier de dire sallallahu alayhi wa sallam, vous leur donnez leurs droits et vous demandez à Allah le vôtre. C'est-à-dire que ces derniers sont des gouverneurs injustes qui prennent vos droits, qui ne vous donnent pas vos droits pleinement. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint et a ordonné à ses compagnons ainsi qu'à sa communauté après eux de leur donner leurs droits, leur droit qui est, comme nous l'avons vu dans ce cours, le fait d'écouter, de leur obéir, de ne pas se révolter contre eux, et de demander à Allah votre droit, ce droit qu'il ne vous donne pas. Ceci est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné dans ses ahadiths comment se comporter avec ces gouverneurs qui sont injustes, qui sont pervers. Il ne nous a pas enseigné, et c'est lui le meilleur des hommes, c'est lui à qui Allah azza wa jalla a révélé sa dernière législation. Il ne nous a pas enseigné à nous révolter contre ce dernier. Il nous dit comme cela, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith. Et tous ces hadiths donc, que j'essaye de traduire ici, donc cet essai de traduction qui ont été rapportés par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, se trouvent dans les deux recueils authentiques, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam muslim. C'est-à-dire qu'ils sont à un plus haut degré d'authenticité. Ces hadiths-là se trouvent à un plus haut degré d'authenticité. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, « Celui d'entre vous qui voit sur son commandant une chose qu'il déteste, qu'il patiente. » Car celui qui se détachera du groupe des musulmans d'un empan, celui-là mourra sur une mort de l'époque pré-islamique. Celui qui se détachera du groupe des musulmans, ne serait-ce que d'un empan, mourra sur une mort ou selon une mort de l'époque anté-islamique. Et ce hadith-là est illustré par la parole de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, que nous avons rappelé au début du cours, le fait que cela fait partie des affaires sur lesquelles étaient les gens de l'époque anté-islamique. Le fait qu'ils voyaient que le fait de se révolter contre le gouverneur, de ne pas être en accord avec lui, faisait partie des actes méritoires. Et comme cela, le fait d'obéir au gouverneur, de faire ce qu'il dit, eh bien, cela fait partie des actes avilissants et rabaissants. Comme cela, Cheikh l'Islam rappelle ce hadith qui est rapporté par Hudhayfa, radiallahu anhu, où il dit « Tu écoutes et tu obéis à ton gouverneur, même si ce dernier te frappe le dos textuellement, ou prends tes biens. » Eh bien, à ce moment-là, tu écoutes et tu obéis. Et tous ces autres ahadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens, et comme le dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, ils sont un grand nombre que nous ne pouvons pas dénombrer ici. Ici, je vous ai rapporté un exemple de nos pieux prédécesseurs, leur manière qu'ils avaient de se comporter face à ces gouverneurs qui étaient injustes, qui étaient pervers. Cet exemple de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Cette personne-là, vous avez certainement entendu parler de lui, qui a vécu, qui était un gouverneur, qui était sous le règne ou sous le gouvernorat de Bani Umayya, des Omeyyades, parmi eux sous le gouvernorat de Marwan ibn Abdel Malik, pardon, d'Abdel Malik ibn Marwan et de son père Marwan. Et ce dernier qui était un gouverneur, puisqu'il avait le commandement du Khalifa, donc du gouverneur général des musulmans, Abdel Malik ibn Marwan et de son père Marwan. Et c'était un chef de guerre des musulmans. Cette personne-là qui est très connue, donc Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est très connu pour le fait qu'il était très très injuste, qu'il a tué beaucoup de musulmans, qu'il était vraiment... on l'utilise pour comme exemple de l'injustice. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Cette personne-là qui a fait couler beaucoup de sang, qui a été bien souvent à l'encontre des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a tué certains parmi les grandes personnalités, si on peut le dire comme cela, entre guillemets, de notre communauté, comme Saïd ibn Jubayr, qui faisait partie des imams de Tabi'in, comme cela, Ibn Zubayr, radiyallahu anhu, qui était un compagnon, qui était le fils de Az-Zubayr, qui faisait partie des plus grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fils de Asma, binti Abi Bakr, qui faisait partie aussi, radiyallahu anhum ajma'in, qui faisait partie aussi des grandes sahabiyat, Ibn Zubayr, qui était lui-même, Abdullah Ibn Zubayr, qui était lui-même un compagnon, et ce dernier, Al-Hajjaj Ibn Yusuf, l'a tué dans l'enceinte de la Kaaba. Eh bien, cette personne-là, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, malgré tout le mal qu'il a fait et toutes ces personnes qu'il a tuées, et parmi eux, certains parmi les Sahaba, comme on vient de le voir, eh bien, nous voyons que Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, qui faisait partie des plus savants parmi les Sahaba, plutôt il est rapporté d'Abdullah ibn Umar, radiallahu anhumain, qu'il faisait partie de ceux qui étaient les plus avides de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna de la meilleure des manières, eh bien, cette personne, Abdullah ibn Umar, qui a vécu au temps de Al-Hajjaj, ne s'est pas révolté contre lui et n'a pas délaissé le fait d'écouter et de lui obéir. Malgré tout le mal qu'il a pu voir et malgré le fait que certaines personnes à son époque sont venues le voir pour se révolter contre lui. Donc ici, on voit l'œuvre de As-Sahaba. Comment était As-Sahaba par rapport à cela? Par rapport à un gouverneur qui était injuste, bien plus injuste que tous les gouverneurs que vous avez au jour d'aujourd'hui et dans les années passées. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui a tué certains parmi les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enceinte de la Kaaba. Comme cela, à son époque, vivait Anas ibn Malik, qui lui aussi n'a pas vu le fait de se révolter contre lui. Parmi cela, vivait aussi, parmi les gens qui vivaient à son époque, des grands parmi At-Tabi'in, des imams parmi At-Tabi'in, comme Ibn al-Musayyib, comme cela Al-Hassan al-Basri, comme cela Muhammad ibn Sirin, comme cela Ibrahim al-Taymi, et autres que eux, parmi les grands imams de cette communauté, les imams de At-Tabi'in. Et l'ensemble d'entre eux n'ont pas vu le fait de se révolter contre lui. Plutôt, Abdullah ibn Umar priait Al-Jumu'a, alors que Al-Hajjaj était celui qui était Al-Khatib. Parce qu'à l'époque, c'était ceux qui faisaient qui étaient les imams lors des prières fixes dans les grandes mosquées. Eh bien, c'était les gouverneurs. Comme cela, ceux qui faisaient le khutba de Al-Jumu'a, c'était aussi les gouverneurs. Et Abdullah ibn Umar, qui faisait partie des sahaba les plus avides de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce dernier venait s'asseoir à sa khutba. Et cela pour montrer à la communauté, la manière de se comporter, la manière de comprendre les hadiths qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'écoute et l'obéissance qui est due au gouverneur des musulmans. Comme cela, une affaire qui est propre aux gens de la Sunna concernant le gouverneur, le fait qu'ils font des invocations pour lui. Ad-du'a. Lahu. La alayhi. Ils font des invocations pour lui et non contre lui. Chose qui fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation. Le fait de faire des invocations contre le gouverneur. Sur le minbar, Yom al-Jumu'ah, lors des cours, lors des assises privées, ils font des invocations pour lui et non contre lui. Et cela fait partie des grandes différences entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation. Comme cela, ce grand savant, Cheikh Abdussalam ibn Burgess, rahimahullahu ta'ala, dans son livre Mu'amalat al-Hukam, qui est un livre très important, celui qui veut apprendre la manière de se comporter avec les gouverneurs et qui comprend la langue arabe, qui lit ce livre-là, Mu'amalat al-Hukam, qui est un livre très important de Cheikh Abdussalam ibn Burgess, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il parle de cela, c'est-à-dire du'a, le fait d'invoquer pour le gouverneur et non contre lui, il rapporte cette parole de l'imam al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunnah, donc cet imam al-Barbahari à propos duquel nous avons déjà parlé, qui est mort en l'an 329 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son livre Sharh al-Sunnah, qui était un livre de référence chez les gens de la Sunnah, qui contient les fondements des gens de la Sunnah, il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, si tu vois un homme faire des invocations contre le gouverneur, sache que cette personne est une personne des passions, fait partie des gens des passions, des gens de l'innovation. Et si tu entends un homme faire des invocations pour le gouverneur, afin que ce dernier se réforme, c'est-à-dire qu'il invoque pour le gouverneur, pour sa réforme, sache que cette personne fait partie des gens de la sunna, incha'Allahu ta'ala. Ensuite, Cheikh Abdussalam rahimahullah ta'ala rapporte cette parole, Cheikh Abdussalam rapporte cette partie aussi qui est rapportée par l'imam al-Barbahari ici dans la suite de sa parole dans son livre Sharh al-Sunnah. Il rapporte cette parole de Al-Fudayl ibn Iyad, qui fait partie de nos pieux prédécesseurs rahimahullah ta'ala, où il dit, et n'a pas été rapportée simplement de cette personne Al-Fudayl, mais elle a été rapportée aussi de l'imam Ahmad et autres que lui rahimahullah, si j'avais une invocation exaucée, c'est-à-dire si j'avais une invocation que je sais être exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala, je l'aurais placée où je l'aurais faite pour le gouverneur. Si j'avais une invocation que je sais être exaucée par Allah Azza wa Jal, j'aurais fait cette invocation en faveur du gouverneur. Puis nous voyons aussi cette parole de l'imam al-Tahawi, rahimahullahu ta'ala, ce grand imam al-Tahawi, Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi, qui est mort en l'an 321 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a un épître, un recueil sur le dogme, sur la croyance des gens de la Sunna, qui est très connu, al-Tahawiyya, où il dit, lorsqu'il explique la croyance des gens de la Sunna, il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et nous ne voyons pas le fait de se révolter contre nos imams et ceux qui détiennent le commandement parmi nous, même si ces derniers sont injuste, et nous ne faisons pas d'invocation contre ces derniers. Ceci fait partie des choses par lesquelles tu différencies les gens de la sunna des gens de l'innovation. Ici, cette parole, ou le fait de parler à propos de cela, de ce point-là, nous amène à quelque chose de très important, qui est la manière de se révolter contre le gouverneur. Quand je dis la manière qu'ont les gens de l'innovation de se révolter contre le gouverneur, bien sûr. La révolte contre le gouverneur, al-Khuruj, contre al-Hukam, le fait de se révolter contre le gouverneur, peut être fait par l'épée, c'est-à-dire qu'une personne va combattre le gouverneur par l'épée, mais elle peut être aussi, et bien souvent, cette manière-là précède l'épée par la langue. C'est-à-dire que vous avez al-khuruj bis-sayf avec l'épée et al-khuruj bil-lisan avec la langue. Et bien souvent, la révolte par l'épée, par le combat, commence par cette révolte par la langue. Comment cela, cette révolte par la langue, le fait, comme on l'a dit, de rappeler les erreurs du gouverneur et ses défauts sur al-minbar, yom al-jumu'a, dans les cours de sciences, dans les mosquées, comme cela dans des assises privées, ou même des assises publiques, et bien souvent dans des assises publiques, comme cela par des manifestations publiques. Cela fait partie du khuruj bil-lisan, par la langue. Pourquoi ces personnes-là se révoltent et font des manifestations? Car elles ont des choses à demander au gouverneur, car elles ne sont pas contentes de sa manière de gouverner, car elles voient des erreurs chez lui. Et il les manifeste par ses manifestations. Il manifeste leur mécontentement par justement ces manifestations. Et cela est appelé un khuruj. C'est une manière de faire el khuruj. Donc vous avez el khuruj bis-saif avec l'épée, el khuruj bil-lisan avec la langue. Et ici, les savants ont divisé el khawarij en plusieurs sortes. Et parmi ces sortes-là, al-khawarij al-qa'diyya. Al-khawarij al-qa'diyya. Ce sont al-khawarij textuellement qui sont assis. Pourquoi cette appellation? Car ce sont des khawarij, on les appelle khawarij, ce sont des gens qui ne sont pas sur la sunna, et sont appelés, caractérisés par khawarij, mais ces derniers ne sortent pas, ne se révoltent pas contre le gouverneur par l'épée, plutôt par la langue simplement. Ce sont des gens comme par exemple au jour d'aujourd'hui, Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini, ces grandes personnalités que vous entendez, donc Salman al-Aouda, Safar al-Hawali, ces grands khawarij de notre époque, ces gens qui, eux, dans leurs cours, dans leurs cassettes, dans leurs livres, enjoignent les musulmans à se révolter contre le gouverneur. Mais ce sont les derniers, bien sûr, le fait de se révolter n'est pas une chose, comme on l'a vu ici, n'est pas une chose méritoire, mais ici, par rapport à eux, leurs croyances, le fait que ceci est une chose méritoire, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est une obligation religieuse, on voit que ce sont les derniers à sortir. Comme cela, par exemple, pendant la révolution qu'il y a eu en Égypte, pendant le soi-disant printemps arabe, ces personnes-là, Abu Ishaq al-Huwaini, qui est une grande personnalité dans le monde musulman, Mohamed Hassan, comme cela Youssef al-Qaradawi aussi, qui enjoignait les gens à se révolter, c'était les derniers à sortir contre le gouvernement, à se révolter, plutôt ils étaient cachés dans leur château qu'ils ont construit avec l'argent des pauvres musulmans qui les suivent aveuglément. Ceci, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas un acte méritoire de se révolter comme on l'a vu, mais d'après leur croyance, c'est parmi les choses les plus importantes, et plutôt comme on va le voir plus tard, cela fait partie des obligations primordiales dans la religion de se révolter contre le gouverneur afin de mettre un gouverneur pieux à notre tête. Ça, c'est leur croyance à eux, al-Khawarij. On va terminer le cours d'aujourd'hui par cela. Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui était sur la position des gens de la sunna par rapport à l'imam, c'est-à-dire le gouvernorat et le bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance ou le serment d'allégeance qui est dû au gouverneur musulman. Ce qui est en relation avec le bay'a, on va le remettre à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. On va terminer le cours d'aujourd'hui par la manière qu'ont les gens de la sunna de conseiller le gouverneur. Puisque ici, nous avons un gouverneur et nous avons des gouvernés. Et ce gouverneur, s'il est pervers et s'il est injuste et s'il a des manquements dans sa religion, tu te dois de faire quelque chose. C'est par cela, par cette porte-là, que passe al-Khawarij pour faire tomber les jeunes dans leur filet. Tu te dois de faire quelque chose. Tu vois ce mal-là, tu te dois de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, en tant que musulman qui te revendique des gens de la sunna? Tu te dois, comme on l'a vu ici, de patienter, d'obéir au gouverneur du moment que ce dernier ne t'ordonne pas de désobéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais comme cela, tu te dois de le conseillé. Car la religion, c'est le conseil, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, tu te dois de le conseiller. Comment tu peux le conseiller? La manière qu'ont les gens de la sunna de conseiller les gouverneurs est la manière qui est définie et la voie qui est tracée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah et autre que lui, qui est un hadith qui est authentique, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles: celui qui désire conseiller le gouverneur, qu'il ne fasse pas ce conseil publiquement, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il se retrouve dans un endroit seul avec lui. Si ce dernier accepte de lui, eh bien ceci est une bonne chose. Mais sinon, c'est-à-dire s'il n'accepte pas de lui, eh bien il a certes fait ce qui lui était demandé. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ce hadith nous donne la voie à suivre dans notre conseil que nous devons faire au gouverneur. C'est-à-dire que la voix des gens de la sunna, lorsqu'ils veulent conseiller le gouverneur, ils ne doivent pas faire cela publiquement, comme on l'a vu, pas sur le minbar, pas dans un cours, pas dans un écrit qui sera rendu public, mais plutôt par une lettre privée, juste entre toi et le gouverneur, par une manière de le prendre par la main et de te mettre seul avec lui et de le conseiller. Plusieurs jeunes, lorsqu'ils entendent ces paroles-là, la parole des gens de la sunna, disent « Mais comment moi je peux arriver à cela? Comment moi, en tant que musulman, je peux arriver à cela ?» Nous leur répondons, comme le répondent nos savants, par le fait que toi, tu n'es pas demandé de faire cela. Est-ce que toi, ton conseil sera accepté de lui? Il faut savoir que le conseil, parfois, même si c'est une réalité, même si c'est une vérité que tu vas dire, les gens ne sont pas prédisposés à accepter ton conseil, de par ton rang social, de par ta place, de par beaucoup de choses. Comme cela, le gouverneur, si ce dernier ne te connaît pas, tu fais partie des musulmans lambda, eh bien, pourquoi est-ce qu'il t'écouterait, sachant que le gouverneur, il a beaucoup de choses à gérer, le gouverneur d'un pays qui il a donc toutes les affaires qui ont attrait à ce pays à gérer. Pourquoi il prendrait ce temps à t'écouter, toi, un musulman lambda qui viendrait frapper à sa porte? Et bien souvent, tu ne peux pas arriver à sa porte. Donc ce qui t'incombe, c'est le fait de revenir aux gens de science. Et les gens de science, c'est à eux de faire ce travail-là. Les gens de science, c'est à eux de faire ce travail-là. Donc nous, les musulmans lambda, nous sommes suiveurs de nos gouverneurs et de nos gens de science. C'est-à-dire que les savants, ceux qui sont autour du gouverneur, c'est à eux de faire ce travail-là, et ce travail-là, ils le font. Walillah alhamd. Et toi, il n'est pas demandé à tout à chacun de faire ce travail, d'aller frapper à la porte du gouverneur et de lui donner ce conseil. Plutôt, il te convient de suivre les indications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'ont compris les sahaba et les pieux prédécesseurs, nos pieux prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullah wa radiyallahu anhum ajma'in, et il te convient de suivre les savants de la sunna, ils se chargeront de cela. Comme cela, ce grand savant, l'allama Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné, qui était donc le mufti al-sabiq de l'Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, harasahallah, bil al-tawhid wa sunna, avant le mufti actuel, Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh. Donc Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné. Donc ici c'est le mufti de Belad al-Tawhid, de l'Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, le pays où se trouve Mecca et Medina, ce mufti qui est demandé, qui est questionné. Dans le sens approximatif des paroles du questionneur et du questionné, donc ce dernier a été questionné: est-ce que il fait partie de la voix de nos pieux prédécesseurs le fait de faire des reproches au gouverneur sur Al-Manabir, c'est-à-dire le pluriel de Minbar, c'est-à-dire lors de la khutbah de Jumu'ah? Et quel est le manhaj, la voix de nos pieux prédécesseurs en ce qui concerne le conseil qui doit être fait au gouverneur? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, de répondre dans le sens approximatif de ses paroles: ceci ne fait pas partie du manhaj de nos pieux prédécesseurs, le fait de mettre en avant les défauts des gouverneurs et de rappeler ceci du dessus des manabir, pluriel de minbar, c'est-à-dire lors de la khutbah de Jumu'ah, car cela amènera à un grand mal, amènera à la discorde au sein des musulmans et amènera au fait que les musulmans seront amenés à ne pas écouter, à ne pas obéir à leur gouverneur. et à se disputer à propos de cela, et cela ramènera un grand mal et ne ramènera pas de bien. Ceci est la parole approximative de Cheikh Ibn Baz par rapport à cela. Rahimahullah ta'ala. Puis il dit, et plutôt la méthode qui a été suivie par nos pieux prédécesseurs dans cela, le fait de conseiller les gouverneurs et le fait de leur écrire, de les appeler. Puis il dit, qui doit faire cela? Ce sont l'ulama. Ce sont eux qui appellent le gouverneur, qui sont en relation avec lui. Et ce sont eux qui le dirigent et qui le guident vers ce qui est meilleur pour eux. Et il leur convient aussi, donc les savants, de lui interdire le blâmable et de lui ordonner le convenable. Et ceci n'appartient pas à l'ensemble des gens, mais plutôt ceci appartient aux savants qui sont proches de ce gouverneur. Une dernière parole par rapport à cela, et avant de d'arrêter le cours, une ambiguïté que les gens de l'innovation mettent en avant et mettent dans la tête de nos jeunes. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des, ici le terme qui est employé c'est le djihad, c'est-à-dire le meilleur des combats, est une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Le terme qui est utilisé ici, inda sultanin ja'ir, auprès d'un gouverneur injuste. Ils disent, c'est pour cela, donc ça c'est une preuve, pour le fait que nous parlions des défauts du gouverneur, ceci est une vérité, ce gouverneur a des défauts, tout le monde le sait. Nous parlons de ces défauts sur le minbar, pendant les cours, pendant ces assises, privées, publiques. Le professeur Hassan dit bien cela. Ceci est le meilleur des combats. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le meilleur des combats. Le fait de parler, d'avoir une parole de vérité à propos de ce gouverneur. Nos savants leur répondent en leur disant, relis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des combats est une parole de vérité inda sultan ja'ir, c'est-à-dire auprès d'un sultan ja'ir, auprès d'un gouverneur qui est injuste. Qu'est-ce que cela veut dire inda al-indiya? Ici, qu'est-ce qu'elle veut dire? Le fait d'être auprès, de dire cette parole-là auprès de ce gouverneur. Auprès de ce gouverneur, c'est-à-dire la méthode qui a été expliquée par cet autre hadith que nous avons lu précédemment, et cette méthode qui est la voie de nos pieux prédécesseurs que nous venons de mettre en avant, le fait qu'il faut, il ne faut pas dire cette parole de vérité, c'est une parole de vérité. Il a des défauts, il faut qu'il s'arrange, il faut qu'il se réforme. Mais cette parole de vérité, où est-ce que tu vas la dire? Sur le minbar? Est-ce qu'à ce moment-là, tu auras fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Inda sultanin ja'ir. Est-ce qu'à ce moment-là, sur le minbar, tu es indahu? Tu es auprès de lui. Plutôt, tu es sur le minbar, à des kilomètres de lui, et tu prétends appliquer l'enseignement prophétique qui est renfermé dans ce hadith. Eh bien, cela est une mauvaise compréhension de ce hadith, une mauvaise compréhension de la voix de nos pieux prédécesseurs. On terminera le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la position des gens de la sunna en ce qui concerne l'imama et l'bay'a. Par rapport à l'imama, vous avez tout le cours aujourd'hui, et le prochain cours sera sur l'bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance qui est dû au gouverneur. Qu'est-ce que veut dire ce serment d'allégeance? Qu'est-ce que veut dire cette bay'a? Et on rappellera aussi à ce moment-là les paroles des gens de l'innovation en ce qui concerne le bay'a, en ce qui concerne le serment d'allégeance. Et on verra que les gens de l'innovation, parmi As-Soufiya, Wal-Ikhwan, Wal-Takfiriyoun, tout cela ont une manière de faire le bay'a qui n'est pas celle des gens de la sunna. Et on verra, comme on l'a vu dans les cours précédents, leurs paroles tiré de leur livre, Inch'Allah Ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.